soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez du yoke? Quand on est à l'internat, on fait n'importe quoi, c'est la fin de la journée, le temps de se défouler, les gens qui sont pas contents, on leur offre dedans. On veut faire la fête juste à au perdre la tête. On commence à s'aller, et puis on vient nous faire chier. C'est l'heure d'aller manger des plats chauds et des entrées. On commence à 6h30. Qui fait qu'on a les gros la nuit. Camarades, vous verrez pendant la bataille. Le bureau se ramène et fait sa pute. Il nous oblige à travailler alors qu'on n'a rien à glander. De temps en temps y'a la CPE, la putain de salope de mes deux. Bien sûr elle nous on fait de la lèche, mais elle repartira à coups d'hirondelle. Camarades, vous le verrez pendant la bataille. On est vaincu, et quand arrive le soir, c'est à ce moment tout part. On commence par une civière, du sang s'est mis du pain d'hier. De temps en temps il y a du vin, ou même du rhum, ça fait du bien. Camarades, vous le verrez pendant la bataille. Camarades, vous le verrez. Merci.